بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد رأينا في الأسبوع الماضي أن العلماء قد يتكلمون في شخص حماية للدين. Nous avons vu la semaine dernière que les savants peuvent parler sur quelqu'un et cela pour préserver la religion. Et que cela ne fait pas partie de la médisance. Et certes, Ibn Rajab a cité l'unanimité des savants concernant al-jarh wa al-ta'dil, la critique et l'éloge. وَقَدْ نَبَّهْنَا على ما وقع فيه كثير من الناس حين يطلقون ألسنتهم على الغير ظلما وانتصارا لحزبهم أو لفرقتهم. Et certes, nous avons attiré l'attention sur ce que font beaucoup de personnes lorsqu'ils parlent injustement sur d'autres, et ce pour aider et secourir leur secte ou leur groupe. وَقُلْنَا إِنَّ الْمُرَادَ بِالْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ هُوَ إِعْلَاءُ كَلِمَةِ اللَّهِ لَا الْإِنْتِصَارِ لِشَخْصٍ أَوْ لِفِرْقَةٍ. Et nous avons vu que le principe de la critique et de l'éloge, c'est le fait d'élever la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et ce n'est pas le fait de secourir une personne ou un groupe. واليوم نستمر في هذا الموضوع نفسه وسنرى في ذلك عدة مسائل. Aujourd'hui, nous allons continuer dans le même sujet et nous verrons plusieurs points. أولا شروط المعدل والمجرح. Premièrement, les conditions requises pour celui qui va faire des éloges ou critiquer. Donc les conditions qu'ont citées les savants. أولا لا بد أن يكون قويا في الدين. Premièrement, il est important que celui-ci soit fort dans la religion. فيكون واريا. Il sera donc واريا. Certains vont traduire le mot واريا par le fait d'être scrupuleux. Et الورع, en fait, c'est le fait de délaisser tout ce qui peut te faire du tort dans l'au-delà. Tu réfléchis avant de parler. Tu sens que ça va te faire du tort dans l'au-delà, tu le délaisses. Tu réfléchis avant d'agir. Ça va te faire du tort dans l'au-delà, tu le délaisses. Et donc, celui qui parle dans le jarh wa ta'dil, il est obligatoire qu'il ait en lui cette caractéristique. Afin d'éviter qu'il ne fasse injustice à quiconque pour suivre ses passions. Et donc, lorsqu'il est fort dans sa religion, il aura cette caractéristique, al-wara, wa yakunu taqiyan, il aura la taqwa. Il va craindre Allah tabaraka wa ta'ala, car on a déjà vu, celui qui ne craint pas Allah, il se peut qu'il fasse injustice aux gens ou à lui-même, sans crainte. Et donc, il est important de craindre Allah tabaraka wa ta'ala, car quand tu crains Allah, même quand tu es seul, tu fais attention. Tu fais attention. Ensuite, yakunu nasihan, sadiqan, adlan. Il faut qu'il soit nasih. Et donc, qu'il soit sincère et loyal. Quelqu'un qui est sincère et loyal, il le fait pour Allah. S'il parle sur quelqu'un, il le fait pour la religion d'Allah. Il ne le fait pas pour lui. Je sais que si je parle sur un tel, ses élèves vont le lâcher, ils vont venir chez moi, ou autre. Non. Il le fait pour la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Fayakunu sadiqan, véridique. Il ne ment pas. Lorsque tu vas critiquer quelqu'un, il critique la personne en citant ce que la personne a fait ou dit réellement, sans rajouter, ni modifier. وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ عَدْلًا. Il doit donc être intègre, avoir une bonne pratique religieuse. فَلَا يُقْبَلُ الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ مِنَ الْفَاسِقِ أَوْ الْكَاذِبِ. Et donc la critique ou l'éloge n'est pas acceptée venant du fasiq ou du menteur. Venant du fasiq ou du menteur. Deuxième point, donc le premier point, on a vu qu'il est impératif qu'il soit fort dans sa religion. Deuxième point, la Buddha an yakuna qawiyan fil ilm. Il faut qu'il soit fort dans la science. Il faut qu'il soit fort dans la science. Fayahfav, il mémorise. Wayutqin, et il maîtrise. Il maîtrise ce qu'il fait. Wayakunu mutayaqqidan, et il est éveillé. Hatta la yujarrih aw yu'addil man la yastahiq. Il est éveillé afin de ne pas critiquer ou de faire des éloges à quelqu'un qui ne mérite pas. C'est important. وَأَيْضًا يَكُونُ عَارِفًا بِأَسْبَابِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ. Et aussi, il doit être connaisseur des causes de l'éloge et de la critique. C'est-à-dire, il connaît les causes qui vont amener à critiquer quelqu'un. Et il connaît les causes qui vont amener à faire les éloges de quelqu'un. Pas comme certains étudiants, malheureusement. Certaines personnes qui ont cru que, sous prétexte qu'ils ont été les voisins des ulama pendant quelques années, ils se pensent avoir mieux compris la religion que d'autres. Lorsqu'ils critiquent certaines personnes et que tu demandes pourquoi, ils te disent « ils jouent au foot ». Ou alors, autre raison, autre que cela parmi les raisons non valables, non justifiées, inacceptables. Par notre religion. Et donc, il faut que cette personne connaisse les causes de la critique et de l'éloge. Idan, yatabayyanu min hadha anna al-jarha wa at-ta'dil la yuqbalu min kulli ahad. Et donc, il apparaît clairement que la science de la critique et de l'éloge n'est pas acceptée venant de tout le monde. فَإِنَّا نَتَعَجَّبْ مِنْ كَثِيرٍ مِنْ إِخْوَانِنَا لَا يَعْرِفُونَ مَا هِيَ عَقِيدَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ثُمَّ تَجِدُهُمْ أَكْثَرَ النَّاسِ كَلَامًا فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ. Et certes, nous sommes surpris de voir beaucoup de nos frères ignorer la croyance de أهل السنة والجماعة, et ensuite tu les trouves être ceux qui parlent le plus de jarh wa ta'dil, la critique et l'éloge. Yahri, fais attention. Comment peux-tu parler de la critique et de l'éloge? Le fait de faire les éloges de quelqu'un ou de la critiquer en fonction de sa religion, alors que la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'ah, tu ne la connais pas. C'est quand même aberrant. C'est choquant. Et c'est pour cela que j'attire votre attention sur ce point. Ne tombez pas dans les pièges dans lesquels sont tombées beaucoup de personnes. Et donc, attention. Attention les frères. Ce sujet est un sujet dangereux. Ce n'est pas toute personne qui va parler dans ce domaine. Faya akhi. الأصل أن الكلام في الناس لا يجوز إلا لغرض شرعي. Et donc mon frère, la base, c'est que le fait de parler des gens n'est pas permis, sauf pour une cause religieuse. وهذا الباب له شروط. Et ce sujet a des conditions. فليس لكل أحد أن يتكلم فيه. فَتَأَمَّلْ قَبْلَ أَن تَتَكَلَّمْ. Et donc ce n'est pas toute personne qui peut parler de ce sujet, alors médite bien avant de parler. وَمِنْ هُنَا نَنْطَلِقُ إِلَى الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ وَهِيَ إِذَا تَكَلَّمَ الْعُلَمَاءُ الَّذِينَ تَوَفَّرَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الشُّرُوطُ إِذَا تَكَلَّمُوا فِي شَخْصٍ فجرحوه مثلا بذكر الأدلة فهل يجوز للطالب هنا في فرنسا أو للمترجم أن يترجم كلام هؤلاء العلماء في الجرح والتعديل أو أنه لا ينبغي ذلك لأن الناس في فرنسا يحتاجون إلى أن يتعلموا التوحيد والعقيدة وشروط الصلاة وما إلى ذلك. Et donc à partir de là, on va aller au deuxième point, le deuxième sujet. C'est lorsque les savants qui ont rassemblé en eux les conditions que nous avons citées précédemment, lorsqu'ils vont parler sur quelqu'un et le critiquer en citant les preuves, est-il permis à l'étudiant ici en France ou au traducteur de traduire cette parole des ulama dans la critique et l'éloge? Ou alors cela n'est pas convenable parce que les gens en France, ils ont besoin qu'on leur apprenne le tawhid, la aqida, la croyance, le fiqh, la jurisprudence islamique, les bases, comment faire la prière, quelles sont les conditions de la prière et autres. Fais-sous-elle. On va poser une question pour répondre à cette question. هذا العالم الذي تكلم في شخص وبين خطورته على الناس في دينهم أليس في بلده كذلك؟ أليس الناس في بلده كذلك يحتاجون إلى أن يتعلموا التوحيد والعقيدة وشروط الصلاة؟ Et donc question, ce savant qui a critiqué quelqu'un, il a parlé de lui. Est-ce que les gens dans son propre pays, en Arabie par exemple, est-ce que les gens dans son propre pays, ils n'ont pas besoin eux aussi d'apprendre le tawhid, la aqida et les conditions de la prière? Bien sûr. Malgré ça, il a parlé. Et donc ce n'est pas quelque chose qui empêche de parler. Pourquoi? Parce que cela fait partie de la religion. كثيرون من الناس يريدون أن يخرجوا الجرح والتعديل من العلوم الإسلامية. Beaucoup de personnes veulent faire sortir la science de la critique et de l'éloge des sciences islamiques. Ils veulent la faire sortir. Ça fait pas partie de l'islam. Non, non. Ils veulent la faire sortir. Non, cela fait partie de l'islam. العلماء ألفوا في هذا الباب كتبا كثيرة. Les savants ont écrit beaucoup de livres sur ce sujet. Cela fait donc partie de l'islam. وَقَدْ تَعْرِفُونَ مَقُولَتْ إِبْنِ سِرِينَ الشَّهِيرَةِ إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ دِينٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ. Et certes, vous connaissez la parole d'Ibn Sirin qui est très connue, très propagée, lorsqu'il dit, certes, ce sujet fait partie de la religion. Alors faites attention de qui vous prenez votre religion. Et donc, le savant et donc l'étudiant va en parler aux gens. Parce que cela fait partie de leur religion. إذن هذا الباب من ديننا وعلى الداعية والطالب أن يعلم الناس كل ما يحتاجون إليه في بلده. Et donc ce sujet fait partie de notre religion. L'étudiant, le prédicateur, doit enseigner aux gens tout ce dont ils ont besoin dans son pays. Min al-aqida, wal-fiqh, wal-hadith, wal-adab, wal-jarh wal-ta'dil, wa ma ila dhalik. Que ce soit dans l'aqida, ou dans la jurisprudence islamique, ou dans les bonnes mœurs, ou dans le hadith, ou le jarh wal-ta'dil, ou autre. Il doit enseigner aux gens tout ce dont ils ont besoin. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit « Ya ayyuhan nabi, balligh ma unzila ilayka min rabbik, wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah, wallahu ya'simuka minan nas, inna allaha la yahdi al-qawm al-kafirin. » Ô messager, transmets ce qui a été descendu sur toi venant de ton Seigneur. Transmets ce qui a été descendu sur toi venant de ton Seigneur. Et si tu ne le fais pas, alors tu n'auras pas transmis le message de ton Seigneur. Tu n'auras pas transmis son message. Et certes, Allah te protège contre les gens. Certes, Allah ne guide pas les peuples mécréants. Et donc le messager, il lui incombe de transmettre tout ce qui lui a été révélé. Wal-ulama warathatul anbiya fayajibu alayhim an yakumu bitablighi kull ma jaa bihi an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam wa bitahdhiri min kull ma hadhara minhu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants sont les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils doivent donc transmettre tout ce avec quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. Et ils doivent mettre en garde contre tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde. Wa tullabu al-ilm yaslukuna maslaka ulama'ihim fayubayyinuna lin-nas kullama yahtajuna ilayhi fi umuri dinihim. Et les étudiants en sciences suivent les traces de leurs savants. Ils vont donc expliquer aux gens tout ce dont ils ont besoin dans leur religion. ترى الناس في بلدك يكذبون على العلماء يقولون فيهم إنهم محاطون بهم أو مغسول المخ أو أنهم يتكلمون في الناس ويحكمون فيهم دون نظر إلى الأدلة ثم تسكت على هذا بحجة أن الناس يحتاجون إلى تعلم التوحيد. Tu vois les gens dans ton pays qui mentent sur les savants. Ils disent d'eux que ceux-ci sont entourés, encerclés. Ils ne voient donc pas ce qui se passe ailleurs. Ils ne connaissent pas la réalité des choses. Ou alors, les gens dans ton pays disent qu'ils subissent un lavage de cerveau, les savants. Ou alors, ils disent que les savants vont critiquer les gens. Ou alors émettre des jugements sur les gens sans avoir regardé les preuves. Tu entends et tu vois cela dans ton pays. Puis tu te tais sous prétexte que les gens doivent apprendre l'aqida et le tawhid. Allim al-nas al-aqida wa al-tawhid wa hadhirhum min al-munkar. Enseigne aux gens l'aqida et le tawhid et mets-leur en garde contre le blâmable. Le prédicateur ne doit pas se taire sur ce genre de choses. Wa ilaykum kalaman jamilan lil-allamati Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahu Allah ta'ala. Et je vais vous lire une très belle parole du très savant Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahu Allah ta'ala qui dit: Wa ana as'alu ad-doktor Ibrahim idha kana hunaka baladun aw buldan تنشر فيها البدع والمنكرات ولا يوجد فيها عالم راسخ أو علماء راسخون تتوفر فيهم تلك الشروط ويوجد فيها طلاب علم قد قرأوا الأصول الثلاثة وكشف الشبهات وكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب وكتاب الواسطية والحموية لشيخ الإسلام بن تيمية وعمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي وبلوغ المرام للحافظ ابن حجر وتنتشر في بلادهم أو بلدانهم بدعة التعطيل أو تعطيل الصفات وبدعة القدر أو بدعة الإرجاء وبدع الشرك بأهل القبور وغيرها من البدع ويكثر فيها شرب الخمر وتهتك النساء فهل يجب أن ينكروا هذه المنكرات في حدود علمهم أو يجب عليهم السكوت لأنهم ليسوا من العلماء الراسخين. Le Cheikh Rabi' il dit: et je demande au docteur Ibrahim si dans un pays ou dans plusieurs pays sont propagées les innovations. Sont propagées les innovations et des actes blâmables. Et il n'y a pas dans ce pays de savants qui soient donc qui soit ferme dans la science. Il n'y en a pas de savants qui rassemblent toutes ces conditions qui ont été citées. Mais par contre, il y a des étudiants en science qui ont lu les trois fondements, ainsi que Kashf al-Shubuhat, ainsi que Kitab al-Tawhid de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, ainsi que le livre Al-Wasitiyah et Al-Hamawiyah de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, ainsi que Umdat al-Ahkam de l'imam Abd al-Ghani al-Maqdisi, ainsi que Bulugh al-Maram de l'Hafiz ibn Hajar. Et dans leur pays sont propagées des innovations, telles que l'innovation de Ta'til al-Sifat, le fait de rejeter les attributs d'Allah, ainsi que l'innovation liée au destin, le fait de rejeter le destin, ainsi que l'innovation liée à l'irja, ainsi que l'innovation dans le shirk, donc dans le polythéisme, avec les gens, avec les morts, et autre que cela, comme innovation, et sont propagées la consommation de l'alcool, et le fait, donc, de commettre des interdits avec les femmes. Alors, est-ce que ces étudiants, il n'a pas dit ces savants, est-ce que ceux-là doivent blâmer tout cela, tous ces actes blâmables, en fonction de leur science, ou alors est-ce qu'il leur est obligatoire de se taire parce qu'ils ne sont pas des savants, parce qu'ils ne sont pas des grands savants? Le Cheikh Rabi, il continue en disant, « A'taqidu anna al-doktor Ibrahim, se yujibu bi annahu yajibu ala ha'ulai tulab, an yunkiruha wa yughayiruha fi hududi ilmihim wa taqatihim, imtithalan li kawlillahi ta'ala, wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khayr, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhawna anil munkar, wa ulaika humul muflihun. » Donc le Cheikh, il dit, je suis sûr que le docteur Ibrahim va répondre en disant qu'il est obligatoire à ceux-ci, il est obligatoire à ses étudiants de rejeter cela et de le changer en fonction de leur capacité, en fonction de leur science et de leur capacité, et tout cela en suivant la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa takun minkum ummatu yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Et qu'il y ait parmi vous un groupe qui appelle au bien et qui ordonne le convenable et rejette le blâmable, et ceux-là sont ceux qui réussiront. Fin de citation. Idan nashkuru Allah tabaraka wa ta'ala an manna 'alayna في هذه البلاد في فرنسا بإخوة يجتهدون في نشر العلم والسنة ويتعاونون في ذلك. Et donc nous remercions Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous ait accordé ici en France des frères qui font des efforts pour propager la science et la sunna et qui s'entraident en cela. ولا نلتفت إلى الكذابين القائلين بأن هؤلاء ما عندهم إلا التحذيرات. Et nous n'accordons pas d'importance aux menteurs qui disent de cela qu'ils ne font que des mises en garde. انظروا إلى إخواننا من معهد السنة هل عندهم تحذيرات فحسب. Regardez nos frères de l'Institut Sunna, est-ce qu'ils n'ont que des mises en garde? كلا يدرسون القرآن والعربية والعقيدة والفقه والحديث خيرا كثيرا. Et donc regardez donc nos frères, ils enseignent le Coran, la langue arabe, la aqida, la jurisprudence islamique, le hadith et beaucoup de bien. كذلك إخواننا صادق أبو يحيى. De la même façon nos frères صادق أبو يحيى et Ibrahim Abu Talha du site Nasiha, ou Abdullah Abu Ibrahim, Ibrahim Abu Talha et Abdullah Abu Ibrahim du site Nasiha, et Mahdi Abu Abdurrahman et Suleyman Al-Aiti, unzuru ila durusihim wa tarjamatihim. Regardez donc leurs cours et leurs traductions. Hal tajiduna fiha tahdhirat fa hasb? Est-ce que vous trouvez dans leur site seulement des mises en garde? Ce sont des menteurs. Ces gens-là, ils mentent sur nos frères. Ils ne font que des mises en garde, que des mises en garde. Regardez combien de mises en garde vous allez trouver sur le site de Souleymane El-Haïti. Combien de mises en garde vous allez trouver sur le site donc de l'Institut Sunnah. Alhamdulillah, les gens, ils propagent la science. Ils propagent le bien. N'accordez pas d'importance donc aux menteurs. وكذلك إخواننا من مكتبة مالك بن أنس يحاولون نشر الخير بين الناس حسب إمكانياتهم والحمد لله. Et de la même façon, nos frères de la Mektaba de Florange, Mektaba Malik ibn Anas, ils s'efforcent de propager le bien parmi les gens en fonction de leur capacité. Alhamdulillah. فيأتي جاهل كذاب يقول ما عندهم إلا الجرح والتعديل. Et ensuite, il vient un menteur ignorant qui dit ces gens, ils n'ont que la critique et l'éloge. Ils n'ont que des mises en garde. فلا تعطوا لهم وجها. Ne leur accordez aucune importance. Alhamdulillah, vous voyez de vos propres yeux le bien qui se fait. Devant vos yeux, vous le voyez. Que ce soit ici dans la mosquée ou dans la Mektaba là-bas, vous le voyez devant vos yeux. Pas besoin d'aller chercher plus loin. Alhamdulillah. المسألة الثالثة. هل الجرح والتعديل خاص بالأسانيد؟ دراسة ودراسة الأحاديث صحة وضعفا. Est-ce que la science de la critique et de l'éloge est spécifique aux chaînes de transmission et à l'étude des hadiths pour savoir s'ils sont authentiques ou pas? أو أنه عام فيجوز تجريح كل من قد يضر المسلمين في دينهم wa in lam yakun rawiyan lil hadith. Ou alors, est-ce que la science de dire wa ta'dil, la critique et de l'éloge, est une science qui est générale et qui englobe toute personne qui est un danger pour la religion des musulmans, même si celui-ci n'est pas un rapporteur de hadith? La réponse, el jawab. Nanzuru ila kitab mizan al-i'tidal lil hafiz al-dhahabi. Nous regardons donc le livre, un livre qui s'appelle Mizan al-i'tidal de al-hafiz al-dhahabi. Awrada fi kitabihi ar-ruwat alladhina tukallima fihim. Fa in kana bi haqqin ayyadahu wa in kana bi batilin raddahu. Et donc ce savant al-dhahabi, il a cité dans son livre, et ce livre qui fait partie des livres les plus importants dans la science de la critique et de l'éloge, il a cité des rapporteurs qui ont été critiqués. Si la critique était juste, il va appuyer la critique. Si celle-ci était injuste, il va la rejeter. Walakin hal dhakara ruwat al-hadith faqat. Est-ce qu'il n'a cité dans ce livre que des rapporteurs de hadith? Non, il n'a pas cité que des rapporteurs de hadith. Fa min al-madhkurin fi al-kitab al-Fakhr ar-Razi. Parmi les personnes qui ont été citées dans ce livre, il y a Al-Fakhr ar-Razi wa laysa bi muhaddith. Et cet homme n'est pas un muhaddith. Cet homme n'est pas un muhaddith. Lakinna lahu kutuban wa yatakallamu fi ad-din wa yastadillu bi ahadith. Cependant, celui-ci, il a des livres. Il parle de la religion et il va s'appuyer sur des hadiths. De la même façon, il a été cité Mahmoud ibn Omar al-Zamakhshari wa laysa bi muhaddith. Al-Dhahabi l'a aussi cité dans son livre Mahmoud ibn Omar al-Zamakhshari, et celui-là non plus n'est pas un muhaddith. Cependant, Al-Dhahabi l'a cité wa dhakara annahu mu'tazili. Al-Dhahabi l'a cité que cet homme, il faisait partie du groupe de Mu'tazila, et ensuite il a dit fakun ala hadar min kashafihi. Alors méfie-toi de son kashaf, le livre donc de Az-Zamakhshari. Et donc, ilm al-jarh wa at-ta'dil laysa khassan bil asanid wa innama ya'um kullama bihi yusan hadha ad-din. Et donc, la science de la critique et l'éloge n'est pas spécifique aux chaînes de transmission, mais elle englobe tout ce qui peut préserver notre religion. Je vous rappelle que au début on avait vu que à la base les savants, lorsqu'ils avaient critiqué certains, c'était pour préserver la religion. Et donc, cette même cause, elle est présente. C'est pour préserver la religion. El mas'alatu ar-rabi'a. Donc l'avant-dernière, l'avant-dernier point, le quatrième. رجل معروف بالسنة تكلم فيه هل يترك لمجرد أنه تكلم فيه أو لا. Un homme qui est connu suivant la sunna, il a été critiqué. Est-ce que nous devons le délaisser juste parce qu'il a été critiqué ou pas? Quelqu'un qui est connu pour la sunna. Et donc, les Adillah. Mais le fait pour préserver la religion quand même. Pour préserver la religion, toute personne qui a été critiquée, moi je m'en éloigne. Qu'est-ce qu'on dit de cette règle? Hein? Ça, une critique qui vient d'un savant salafi. Toute personne qui est critiquée par un savant salafi, je m'en éloigne. Pour préserver ma religion. Qu'est-ce que tu en penses? C'est obligé, vous l'avez déjà entendu. C'est obligé, c'est trop propagé ça. Pourtant c'est faux, mais c'est trop propagé. Ça je l'ai entendu par des toulab à Médine. Je l'ai entendu au Yémen. C'est propagé, mais c'est faux. C'est faux. Lorsque j'étais à Médine, un frère est venu me voir. Un frère donc étudiant en kulliyat al-hadith, faculté du hadith, donc c'est son domaine, zafwa ta'dil. Il est censé connaître un minimum. Ad-dirasat al-ulya, les études supérieures, que ce soit master ou doctorat. Et c'est pour ça qu'à chaque fois je dis, c'est pas toute personne. Laysa kullu man jalasa 'inda al-ulama fahima kalam al-ulama. C'est pas toute personne qui s'assied auprès des savants qui comprend les paroles des savants. Faja'ani yansahuni بأن أترك شيخا من شيوخنا لأنه تكلم فيه. Il est venu me conseiller pour que je délaisse un déchet, un des enseignants chez qui j'ai profité. Pourquoi? Parce qu'il a été critiqué. Et donc je demande pourquoi. Lima. Il me dit non. بدون نظر إلى الأدلة. Sans faire attention aux preuves. Juste parce que كل من تكلم فيه يترك حماية للدين. Il me dit, toute personne qui a été critiquée doit être délaissée pour préserver la religion. Ce n'est pas pour le critiquer, mais c'est pour préserver la religion. Et ça, c'est une règle chez les salafs. On attribue cela aux salafs. Alors ensuite, je dis, mais je suis surpris. Il me dit, Naam, Cheikh Abdullah al-Bukhari, il a dit ça. Et donc, regardez le problème. On a plusieurs problèmes ici. On a le fait d'entendre un cours d'un savant, de ne pas comprendre le cours du savant, et ensuite, ce que tu n'as pas compris, tu l'attribues au savant, tu dis, c'est Cheikh Abdullah qui a dit ça, et après, tu fais pire, tu dis, ça, c'est une corrida des salafs. Subhanallah al-Ali al-Azim. Il faut faire très attention. On a beau le dire et le répéter, c'est pas toute personne qui a étudié auprès des savants, qui comprend les paroles des savants. Et le pire, c'est que lorsqu'une fitna arrive, il veut inviter les gens à sa mauvaise compréhension. À sa mauvaise compréhension. C'est pour ça que je lui ai demandé, et je vous demande aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai ramené ici deux livres qu'on va voir, Inch'Allah. Je vous demande. Rijal al-Bukhari. Les rapporteurs qui ont été cités dans Sahih al-Bukhari. هل يمكننا أن نطبق فيهم هذه القاعدة؟ Nous est-il possible d'appliquer cette règle sur les rapporteurs qui sont cités dans Sahih al-Bukhari? Tu prends Sahih al-Bukhari, tous les rapporteurs qui ont été critiqués, tu dis on le délaisse. Toute personne qui a été critiquée, sans regarder est-ce que la critique elle est bonne ou pas, toute personne qui a été critiquée, on délaisse. Où est-ce qu'on a pris ça, les frères? Où est-ce qu'on a pris ça? Il faut faire attention à l'exagération. Il faut faire attention à l'exagération. Ensuite, on va nous dire, c'est ça la fermeté dans la religion. Quel kadhib? C'est un mensonge. C'est un mensonge. Et donc, je vais vous citer un passage important. D'ailleurs, j'ai demandé à Cheikh Abdullah al-Bukhari par la suite, est-ce qu'il avait dit ça ? فَأَنْكَرَهُ أَشَدَّ الْإِنْكَارِ. Il a rejeté cela de la façon la plus ferme. Et donc, pour répondre à cela, je dis فِي تَحْذِيبِ الْكَمَلِ. Je ne l'ai pas ramené. فِي تَحْذِيبِ الْكَمَلِ فِي تَرْجَمَةِ أَحْمَدِ ابْنِ مَالِكِ ابْنِ عَبْدِ الْمَالِكِ عَفْوًا ابْنِ عَبْدِ الْمَالِكِ ابْنِ وَاقِدِ وَهُوَ مِنْ رِجَالِ الْبُخَارِ. Dans le livre تَحْذِيبِ الْكَمَلِ, qui fait partie des livres de Jarh wa Ta'dil. Dans la biographie de Ahmed, donc on retient bien le nom, Ahmed ibn Abdel Malik ibn Waqid. Et cet homme fait partie des rapporteurs cités dans Sahih al-Bukhari. Anna Abal Hussein, ou Anna Abal Hassan al-Maymouni, sa'al al-imam Ahmed, an Ahmed ibn Abdel Malik, fekale anhu khayran. Et donc on voit dans la biographie de ce rapporteur, Ahmed ibn Abdel Malik, on voit que Abul Hassan al-Maymouni, il a interrogé l'imam Ahmed le concernant. Donc concernant Ahmed ibn Abdel Malik. Et l'imam Ahmed a dit du bien de lui. Wa mimma qala al-imam Ahmed, wa ma ra'aytu illa khayran, huwa sahibu sunnah. Et donc parmi les paroles de l'imam Ahmed concernant Ahmed ibn Abdel Malik, il dit, je n'ai vu que du bien. C'est un homme, c'est un adepte de la sunna. Donc Ahmed parle de lui, l'imam Ahmed parle de lui en bien. Fekale Abu al-Hassan al-Maymouni, Ahlu Harran yusi'una thana'a alayhi. Abu al-Hassan al-Maymouni, il dit, les gens de Harran, c'est-à-dire la région d'où il vient, ce Ahmed ibn Abdel Malik, les gens de Harran, ils parlent de lui en mal. Il est critiqué ou pas? Il est critiqué. Les gens de Harran, ils parlent de lui en mal. Fekol al-imam Ahmed, Ahlu Harran, kollama yardawna an insan. Les gens de Harran, il est rare qu'ils agréent, qu'ils acceptent quelqu'un. Huwa yarsha as-sultan bi sabab dhay'atin lahu. Il va voir le gouverneur à cause de dhay'a. Dhay'a, c'est, ça peut être une terre fructueuse, un bout de terre fructueux, ou alors un commerce fructueux. Donc, il va voir le gouverneur à cause d'un bien, à cause d'un besoin. À cause d'un besoin. Et donc, c'est à cause de cela qu'il a été critiqué. Que les gens de son pays, c'est à cause de cela que les gens de Harran, ils l'ont critiqué. Pourquoi? Parce qu'il va voir le gouverneur à cause d'un besoin. علق الحافظ ابن حجر على هذا الكلام في هدي الساري. الحافظ ابن حجر, il a donc commenter cette parole dans Hadji al-Sari. Et il dit, dis-moi ce passage. Il dit quoi, Ibn Hajar? Lorsqu'il arrive à ce passage, donc lorsqu'il arrive à la biographie de Ahmed ibn Abdel Malik dans Hadji al-Sari, qui est donc la Muqaddima, l'introduction de Fath al-Bari, l'explication de Sahih al-Bukhari, il cite donc les rapporteurs qui ont été critiqués dans le livre de al-Bukhari. Et parmi eux, Ahmed ibn Abdel Malik. Il le cite. Ensuite, il cite le dialogue qu'il y a eu entre Abu al-Hassan al-Maymouni et l'imam Ahmed. Et après cela, il commente en disant قلت فأفصح أحمد بالسبب الذي طعن فيه أهل حران من أجله وهو غير قادح وقد قال أبو حاتم كان من أهل الصدق والإتقان. بارك الله فيك. Ibn Hajar, il nous dit, certes, Ahmed a clairement exposé la raison pour laquelle les gens de Harran ont critiqué Ahmed ibn Abdel Malik. Et cette raison n'est pas justifiable. Ou alors, cette raison ne justifie pas une critique. Ghayru qadih. Cette raison ne justifie pas une critique. Il a été critiqué pourquoi ? Parce qu'il va voir le gouverneur pour un besoin. Cela ne justifie pas une critique. Et certes, ensuite il nous dit, Abu Hatim, il a dit, donc concernant Ahmed ibn Abdel Malik, que c'est quelqu'un qui est véridique et qui maîtrise ses ahadiths. Et donc, et aussi Ibn Hajar, il nous dit dans son livre, Et-Takrib, il nous dit, c'est rapide, j'ai déjà mis la page, il y a tout. Thiqatun tukulli ma fihi bila hujja. Thiqatun tukulli ma fihi bila hujja. C'est quelqu'un qui est fiable, de confiance. Il a été critiqué sans preuve. Il a été critiqué sans preuve. Est-ce que l'imam Ahmed, on va lui dire, ya imam, tu n'as pas appliqué le manhaj des salafs. Moumeyir un petit peu. Ou alors on va te dire, Ibn Hajar n'a pas appliqué le manhaj des salafs. Tamir, attention. Non, les frères. Non. Nous devons donc apprendre notre religion et faire attention avant de parler, surtout dans ces sujets de Jarhat Tardil. Il faut faire attention à ne pas faire injustice à quiconque. Idan, ya ikhwa, laysa kullu man huddira minhu yutrak. بل ننظر إلى أدلة المحذر فإن كانت أدلة قادحة أخذنا بها وإلا فلا. Et donc mes frères, ce n'est pas toute personne qui a été critiquée que l'on va délaisser. Mais nous regardons les preuves. Si ce sont des preuves qui justifient la mise en garde, alors nous les prenons. Et sinon, alors non. رجل معروف بالسنة نتركه لأنه تكل ما فيه فقط. Une personne qui est connue comme suivant la sunna, nous le délaissons juste parce qu'il a été critiqué. Il faut vérifier pourquoi il a été critiqué. Que s'est-il passé? وَمِنْ هُنَا نَذْهَبُوا إِلَى الْمَسْأَلَةِ الْخَامِسَةِ وَهِيَ الْأَخِيرَةِ. Et donc, à partir de là, on va voir le cinquième point, qui est le dernier. وَقَدْ سَمِعْنَا سَابِقًا فِي فِتْنَةِ الْحَجُورِ كَانُوا يَكُولُونَ الرَّجُلُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ بَلَدِهِ. Nous avons entendu précédemment, lors de la fitna de l'Hajouri. Il disait, l'homme, donc cet homme au Yémen, il est plus connaisseur, il connaît mieux les gens de son pays. يَعْنِي أُتْرُكُ الْعُلَمَا وَعَلَيْكُمْ بِفُلَانِ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ بَلَدِهِ. Ce qui veut dire, délaissez les savants. Les savants, ils ont parlé, mais délaissez-les. Pourquoi? Parce qu'un tel, il connaît mieux les gens de son pays, là-bas, au Yémen. Aujourd'hui, on entend cette même parole en Algérie. Foulen, a'lamu bi ahli baladi. Un tel, il connaît mieux les gens de son pays. Baladi yur rajul a'lamu bihi. Les gens du pays d'un homme le connaissent mieux. On entend ça souvent maintenant. Al-Imam Ahmed, regardons juste cette histoire qu'on vient de vous citer. Entre Ahmed, l'imam Ahmed, ainsi que Abu al-Hassan, Ibn Maymou, Abu al-Hassan al-Maymouni et Ahmed ibn Abdel Malik. Est-ce que l'imam Ahmed, il a dit Ahlu baladihi a'lamu bihi? Est-ce que l'imam Ahmed, il a dit les gens de son pays le connaissent mieux? Non, il n'a pas dit ça. Et Dalil, la preuve. La chercher la preuve. Et donc, Naam, la chèque, ya ikhwa. Anna rajul, in kana min ahli al-balad. Wa ja'a bil adilla fa hadha yuqawwi janiba. Il n'y a pas de doute que si la personne, il vient du pays de la personne qui a été critiquée, mais il vient en citant des preuves, il n'y a pas de doute que cela va renforcer son argumentation. Mais dans tous les cas, on regarde la preuve. Dans tous les cas, on regarde la preuve. Et c'est pour cela que nous aimons l'islam. La preuve. Anta'budallaha ala basira. Que tu adores Allah tabaraka wa ta'ala avec de la clairvoyance. On va à chaque fois chercher des preuves. Que ce soit dans le fiqh. Quand on va étudier le fiqh ensemble, on va chercher des preuves. Qui a raison entre les savants? On va chercher des preuves. De la même façon, si tu dois parler des gens, c'est avec des preuves. والخلاصة يا إخوة أن هذا العلم علم الجرح والتعديل مهم جدا. Et donc, pour finir et pour conclure, mes frères, cette science, la science de la critique et de l'éloge, est très importante. لكن لا يتكلم فيه إلا من له الأهلية. Cependant, ne peuvent parler dans cette science que ceux qui en ont la capacité et les bagages. فلا تأخذوا أو فلا تذهبوا تتكلمون في الناس ظلما ثم تنسبون فعلكم إلى علم الجرح والتعديل. Et donc, n'allez pas parler sur les gens en toute injustice et ensuite attribuez votre acte à la science de la critique et de l'éloge. ولا تفعلوا كما فعل البعض فتح كتابين أو ثلاثة أو درس بعض العلوم عند العلماء ظن أنه فهم ثم ذهب يدعو الناس إلى قواعد لم يفهمها. Et ne faites pas comme certains ont fait. Ils ont lu deux ou trois livres, ils ont étudié quelques sciences auprès des savants qu'ils n'ont pas compris, et ensuite ils vont voir les gens et ils appellent les gens à ces règles que eux-mêmes n'ont pas comprises. Fattakullaha fi anfusikum wa la tazlimu anfusakum. Craignez Allah concernant vos propres personnes et ne vous faites pas injustice à vous-mêmes. Wattakullaha fi dinihi wa la tansibu af'alakum ila dinihi. Et craignez Allah concernant sa religion et n'attribuez pas vos actes à la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wattakullaha fi ikhwanikum. Et craignez Allah concernant vos frères, ceux qui vous demanderont des comptes au jour du jugement. Et craignez Allah concernant l'invocation de celui qui subit une injustice, comme on l'a vu ici dans cette mosquée. Lorsqu'on faisait les mœurs, lorsqu'on voyait le bon comportement de l'enfant avec ses parents, on a vu le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Thalathun hunna mustajabat » Trois invocations sont exaucées. La shakka fihin. Il n'y a aucun doute le concernant, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite il dit, da'watul musafir, l'invocation du voyageur. Wa da'watul mazloum, l'invocation de celui qui a subi une injustice. Wa da'watu al-walidi ala waladihi. Et l'invocation du père contre son enfant. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفيكم بارك الله.